Alors, dans cet épisode, je vais parler de la colère. C'est pas forcément évident d'en parler pour moi parce que c'est pas du tout une émotion qui domine réellement ma vie. Ou c'est plutôt que je l'extériorise pas si souvent, en fait. Et ouais, c'est marrant parce que l'autre jour, je suis allée voir une pièce et à un moment, le personnage disait, moi je suis un homme colérique, mais je me mets jamais en colère. Et c'était un truc en mode, je le laisse pas exploser parce que, voilà, j'ai pas à faire subir aux autres ce que je ressens. Ou enfin, un truc comme ça. Mais c'était surtout l'idée que qu'il y a de la colère en moi, mais elle sort pas. Et moi, l'autre jour, elle est sortie. Mais elle est totalement sortie. J'avais une discussion avec ma mère sur l'avenir. C'est jamais bon d'avoir ce genre de discussion en novembre. Je me retrouve tout le temps à faire des sortes de crises existentielles dès que l'hiver arrive. Et je remets un peu tout en question. Et c'est ça en fait, c'est genre je remets tout le temps en question au même moment de l'année les choses. Et c'est sur tout le temps, en fait, que cette colère aussi, elle porte. En fait, on parlait de l'avenir, on parlait aussi du fait qu'on a des avis très différents sur cet avenir et sur comment le gérer, sur l'excellence, sur vouloir le meilleur, sur cette idée que, bon, bah, faut que tu penses à l'avenir parce que, bah, en fait, tous tes choix, ils ont une conséquence et voilà, plus tard, faut pas que tu regrettes et j'ai un peu explosé. Après, une des seules personnes avec qui j'arrive à me mettre dans cet état, c'est ma mère, parce que je pense que de la même manière qu'on peut être très différente, elle s'est vraiment ciblée là où moi-même je peux être en contradiction, où moi-même je... elle, on va dire elle s'est ciblée, et du coup c'est vrai que c'est beaucoup avec elle que je me mets en colère. Mais en fait, je pense que la manière dont je disais les choses était beaucoup plus signifiante que ce que finalement je pouvais dire, que des fois genre je disais des trucs extrêmes, mais juste j'étais tellement dans un état, j'étais vraiment, mais vraiment, j'avais de la hargne, j'étais vraiment, j'avais limite de la haine en fait. Et j'avais un espèce de colère contre, genre, maintenant je l'analyse a posteriori, parce que c'est en fait une discussion qui à la base était anodine, qui a duré 1 heure et demie et qui du coup, bah, en y repensant, c'était contre genre le système scolaire français qui fait que depuis toujours tu penses à tes notes. Quand t'es en collège, c'est pour aller à un bon lycée. Après, quand t'es au lycée, c'est pour avoir une affectation la meilleure possible. Après, en terminale, genre, je me suis retrouvée à préparer un concours de Sciences Po que finalement je me rendais compte que je voulais pas, pour rentrer dans d'autres prépas. Ou du coup, on te rabaisse, on te note avec une autre grille de lecture, on te dit, ah ben vous êtes nul, vous êtes nul. L'année dernière, la deuxième année, tu passes le concours. Et en fait, l'année dernière, je me suis vraiment retrouvée dans cette position où dès le début de l'année, je me suis rendue compte que je voulais pas être là dans ce genre de logique. Et au bout d'un moment, quand je me suis rendu compte que de toute façon j'allais pas arrêter et que je voulais pas non plus genre perdre mon année, je me suis dit, il faut que j'arrête de réfléchir parce que trop y réfléchir, c'est me rendre compte que je veux pas être là et en fait ça fait que genre bah, déjà je suis pas heureuse et en plus je réussis pas. Je me suis retrouvée à avoir ce genre de réflexion, tu vois. Et en fait c'est ce côté de... Enfin, du coup, on en est arrivé à la conclusion avec ma mère, quoi. C'est un peu elle qui l'a dit, mais c'est ça. C'est que je supporte pas la pression. En fait, ça, j'ai jamais été. Enfin, j'aurais pu totalement le devenir, tu vois. Mais j'ai jamais été quelqu'un de compétitif. Je déteste la compétition. En fait, je suis arrivée à un set où genre ça me. C'est pas que j'ai la phobie de la pression, mais vraiment ça, j'aime pas ça. J'aime de genre de l'excellence, de genre de devoir faire le mieux. Genre je Physiquement, maintenant à ce stade, je peux plus. Genre, l'idée de me retrouver. Parce qu'en fait, c'est parti de ça. C'est genre l'idée de me retrouver cette année à devoir préparer un examen, à devoir préparer un oral. Ça me panique parce que, genre, j'en veux plus. Genre, c'est vraiment un stade où je peux plus. Et je me suis mis dans une colère, enfin, vraiment énorme. Et en fait, c'était assez paradoxal parce que je fais une espèce de rejet total sur ce qui a été ma scolarité, en fait. Parce que, genre, idéologiquement, genre, ça me satisfait pas. Même si, finalement, je peux lister beaucoup de trucs positifs que ça m'a apporté. Genre, je peux le faire, j'arrive à les penser. Mais c'est ce que j'expliquais à ma mère, c'est que j'en suis à un stade où je sens vraiment de la colère et j'ai pas envie de juste faire bon, bah, je dois relativiser parce que quand même, ça m'a apporté. Genre, je sais que je peux le faire, genre, je peux le dire, mais j'ai pas envie, enfin, genre, j'ai pas envie de relativiser tout de suite là. Genre. Et du coup, je revendiquais un peu cette légitimité d'être en colère, tu vois. De voilà, enfin, genre, j'ai le droit. Bon, après coup, en y réfléchissant à cette discussion, en fait, l'avoir vraiment laissé exploser, et de manière, enfin, je m'y attendais pas, ça a vraiment monté, et d'où le fait que ça a duré 1 heure et demie, ça a été me rendre compte que c'était beaucoup plus présent de ce que c'était. Et j'arrivais pas totalement à le comprendre. Du coup, j'ai fait une carte mentale. Alors, j'en fais absolument pour tout, des cartes mentales. C'est pour apprendre mes cours, pour quand je dois écrire un article pour la fac, quand je dois réfléchir à un truc que je comprends pas, je fais des cartes mentales. Alors, le principe, c'est très très simple. C'est juste spatialiser sa pensée en choisissant des mots et en créant des liens et en fait créer une espèce de constellation de genre mots qui se relient entre eux, qui ont des conséquences. Et du coup, ça permet d'avoir une vision d'ensemble. Et ça t'oblige à être synthétique, à conceptualiser. Et une fois que tu as tout devant toi, c'est plus facile aussi de hiérarchiser ta pensée. Parce que souvent, quand tu penses en termes de lignes, moi, je trouve ça dur de savoir par où commencer. Enfin, je sais jamais par où commencer. Du coup, j'ai fait une carte mentale de ma colère. Bon, je ne peux pas la montrer en podcast, mais en gros, il y avait deux parties. C'était ce qui était la cause et ce qui en découlait. Du coup, la cause, c'était la pression. Et cette pression-là, elle vient d'un côté du système scolaire français, qui lui-même entraîne plusieurs choses, c'est-à-dire le contrôle. C'est le fait que très vite, tu te retrouves à avoir des prédispositions d'adulte. C'est être responsable, planifier, organiser son travail. C'est aussi éprouvant parce que ça prend du temps, ça prend du cerveau, tu te retrouves tout le temps dans une logique de bon, tu réfléchis à ça et en fait ça te consume aussi. Après, c'est formateur parce que forcément, genre s'entraîner à s'organiser, ça fait que bah, maintenant je sais très bien m'organiser et je vais beaucoup plus vite sur certains trucs. Et ça donne aussi une étiquette qui elle-même remet de la pression. Et ça, c'est vraiment le complexe du bon élève, c'est tout con, mais vu que t'as des bonnes notes, on attend de toi que t'aies des bonnes notes, et quand t'as une mauvaise note, c'est pas seulement toi que tu dois gérer, genre c'est-à-dire le fait que tu puisses être déçu, le fait que tu puisses pas comprendre, mais tu dois aussi gérer les autres. Et c'est super relou, et ça m'a pas mal arrivé avec ma mère en prépa, mais genre c'était. En plus, déjà j'ai moi, en plus je dois prendre les autres en compte, tu vois. Et il y a aussi ce côté que le système, il crée des formes de bulles, genre des espèces d'entre-soi, parce que voilà, dès que t'as des bonnes notes, tu te retrouves avec des gens qui viennent d'un certain milieu, certains capital culturel, qui du coup forment. Enfin, une espèce de. Voilà, c'est la création de l'élite. Et du coup, il y a une espèce de genre. Mais c'est tellement pas la réalité, genre, j'aime pas du tout ça. Et en même temps, si on veut être honnête, dès que. Et ça peut arriver sur plein de choses, mais dès que t'as un regard critique sur l'ensemble dans lequel tu te trouves, mais duquel tu fais un pas sur le côté, bah, il y a aussi une espèce de. J'aime bien pouvoir me dire que moi, j'arrive à ne pas être dupe, tu vois. Je pense qu'il y a une partie de ça aussi, même si c'est pas un sentiment de supériorité, mais c'est. Voilà, cette espèce de. Genre, l'orgueil du marginal, quoi. Enfin, pas dans l'extrême, mais l'idée, quoi. Et pour venir à la pression, du coup, la deuxième cause. Ce serait ma famille qui crée de l'expectative, du coup une peur de la déception, du coup de la pression, et l'idée de l'excellence liée à l'avenir. Ça, c'est les causes. Les conséquences, C'était d'abord par rapport à l'autre jour, l'espèce de violence qui est sortie de moi. Et ce côté aussi un peu genre illégitime, pas illégitime c'est fort, mais pas en mode t'as pas le droit de ressentir ce que tu ressens au moment où tu le ressens, mais le mode c'est vraiment le problème de petit enfant bourgeois qui réussit à l'école, tu vas te rendre compte, tu pourrais passer à autre chose, c'est plus vital. Mais en même temps, bah, cette violence-là et cette colère-là, elle me met vraiment dans des têtes de tristesse. Finalement, quand je me mets en colère, c'est souvent parce que je suis triste et que ça m'importe. Et du coup, cette tristesse-là, elle me donne juste envie de ne pas être là où je suis en train d'être, tu vois, juste partir, quoi. Et du coup, la deuxième cause de ma colère, c'est le changement. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années, j'ai pas voulu devenir ce que genre, ce système-là aurait pu créer, c'est-à-dire quelqu'un de complètement névrosé, de stressé. Enfin, j'ai un côté stressé par rapport à ma scolarité, mais j'ai vraiment essayé de le contenir et de me dire, en fait, c'est pas moi, c'est pas ce que je pense. Enfin, idéologiquement, c'est pas ce à quoi j'adhère, même si j'ai des réflexes d'eux, tu vois. Et ça a été de prendre de plus en plus de la distance par rapport à ça, depuis assez jeune, en fait. Et du coup, c'est cette idée de choix, c'est-à-dire que c'est pas éviter la pression, parce que bon, la pression, elle existe dans les formes de sélection que tu rencontres au fur et à mesure de ta vie. C'est de choisir la pression parce que c'est quelque chose que tu veux. Du coup, bon, bah, tu te mets de la pression par rapport à quelque chose que tu veux. C'est pas subir, mais choisir. Et du coup, ce choix-là, ça entraîne deux choses. C'est pouvoir aussi ne pas savoir quoi choisir, c'est ce que je disais l'autre jour, et partir. Et en fait, on en revient à partir. Sauf que partir, c'est pas le dernier mot de ma carte, mentale. Le dernier mot de ma carte, c'est idéalisation, idéalisation avec un point d'interrogation que j'ai lié à partir. Parce qu'en fait, en regardant le schéma, je me suis juste rendu compte que ça fait des années que c'est le même. Ça fait, je sais pas, depuis que je suis au collège, que j'ai des souvenirs de genre conversation avec ma mère, de moments où ça explosait, enfin, j'ai relu mon journal intime de quand j'avais 12 ans, il y avait déjà ces mots-là de stress, de, enfin, en fait, il est plus ou moins présent, plus ou moins aussi, enfin, c'est affirmé aussi avec les années, mais il est là, quoi. Et en fait, bon, bref, c'est un schéma qui est pas nouveau. Et j'ai toujours, enfin, par exemple, le voyage que j'ai fait en Italie en février, j'ai commencé à y le préparer en février 2017, c'est-à-dire il y a 2 ans, parce que j'étais tellement en mode, je veux pas être là, que je projetais en mode, et ça va être génial partir, je vais rencontrer des gens, je vais changer, je vais pas être avec mes parents. Mais je veux pas que faire reposer ça sur quelque chose d'extérieur. C'est-à-dire que le changement, je pense à un moment, il doit venir de moi, ici, ailleurs. Enfin, je serai toujours la même personne. Même si je vais changer. Mais je suis le lien entre les choses, quoi. Et en fait, c'est que, du coup, cette espèce de revendication de j'ai le droit d'être en colère si je le ressens, oui, certes, mais je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie d'entretenir ce ressentiment? Parce que, enfin, ça me fait pas forcément du bien. Il y a un moment où, genre, j'ai pas envie de vivre toute ma vie avec ce schéma-là qui me traîne. Après, cette année, c'est une année différente parce que je suis plus. Du coup, c'est peut-être l'année où, finalement, je peux plus avoir un impact sur ça. Parce que j'ai déjà de la distance. Mais du coup, en fait, je crois que j'ai eu besoin de passer par tout ça pour me dire, bah, je veux plus être en colère. Et voilà, ce sera tout pour cette partie.